Ça fait longtemps qu'on attendait le comité. Parabellum unité. Beaucoup de gens veulent nous mettre des bâtons dans les roues. Ils peuvent toujours courir. Volkwal, Funès, Félin, HF. Tu vois comment ça se passe ici. C'est Oamité, NK. Un, je me maintiens. Deux, je contiens. La rage est cause du trottoir, donc de moi retiens. Parabellum, guerre déclarée. RAP sans explication. Guerre sans tranchée, fiston, parabellum, mission. La rue crame et de ses cendres on se nourrit. Mais quelque part le rap me consume. Et toi du rap tu consommes. Parabellum, C-O-M-I-T-M-C. Vision décalée, absorption totale dans chaque coin de la ville. Parabellum, cuve d'Amazon, mon île. 92 220 fractures. CH du Vilotex aux grosses ratures. Parabellum, intersection. Du banditisme jusqu'à l'écriture, opération pifton. Et c'est maintenant que les gens percutent. Que les bastos circulent. Des textes pleins de tristesse à cause de ma rien à grosse pute. Parabellum, métropolitaine, poésie. C'est l'art de poser, d'éclater l'instru sans souci. Parabellum, c'est pour tous les mecs en prison. Les promenades, les deux feuilles, la vie dure et la pression. Allez, augmente le son. Parabellum, c'est 9 mm armé. Du genre mec gênant, y'a pas mieux. Du FUNSC au félin, des coucous de rein nerveux. Les jaloux, Jacques, creuse des tombes. H, tire et plombe. Parabellum, la bombe. Et je pourrais le répéter à chaque morceau. Cousin, ici, y'a pas de star. Orchestre, HF, parabellum, blesse, sens inné du combat. Constat, science de rue, force, honneur, cœur, famille, Hemming. Parabellum, orchestre, HF, parabellum, blesse, sens inné du combat. Constat, science de rue, force, honneur, cœur, famille, Hemming. Parabellum, tiens, parabellum, des lettres pour endorables, c'est l'aide de noblesse. Rares sont les rires à l'écoute, goûte et guette pour seule âme. Le vacarme éveille nos âmes d'orage, on rime le lame au M0. Me penser réglo, qui régale en Marie Curie. Hache mon ego, on cale les Comores. Sale tête que l'ego kiffe mal. Notre rôle, oral, mal, on oral. Pour plus de rôles et plus de rôles à percer le bise. Basse contre face, face contre les nazes. Nas contre mon blase, F de l'île bla. Rase l'homme qui gaz, le beat vide, les kids, raid au ride. Avant l'âge, au rive vite, j'suis dépendant, parabellum, indé. Pendant, pendant que tu trouves vendange. Décadent, dans la cadence de mon charisme. Karma, Zarma, les mecs, t'es les pattes qui battent tes potes, tes putes, ça pète sous. Mécanisme, flow juste esque. Tu sens que ça brûle et blaire. Pas de justesse, je te donne la réplique d'une technique. Si ça se complique, mes complices pratiquent le viet flow d'AO. CO, MIT, MITECO. Quand ma voix porte et les portes de sort, ça trotte et monte ma corde. Mes mains se frottent pour palper les billets, quitter la grotte. Pour ma familia, dans le milieu l'IA. Trop de rap, y'a, et moi et mes rouillards. On rame dans le charme de ce putain d'ounia. HF, parabellum, blesse, sens inné du combat. Constat, science de rue, force, honneur, cœur, famille, Hemming. Parabellum, orchestre, HF, parabellum, blesse, sens inné du combat. Constat, science de rue, force, honneur, cœur, famille, Hemming. Parabellum.